Exercice 1, page 40. A. Vous n'en voulez plus? B. Tu as bien dormi? C. Il a fait très froid. D. Il va prendre un thé. E. Tu veux un café? F. Elle est déjà là ?